Angela, kene mabemo wa, makene na lante wa, matina tamo kadatia, koma kita moloko la fleur et rose, ma belle préférée, na ki sango la musika motema mo baby, douleur de séparation. Bosukite, bokoyoka, ti bokolela. Voilà.